Bora, Bravo. Dona Fonte. Alors, l'idée là de faire quelque chose sur la propagande sur le végétarisme, finalement, ça ne serait pas contre-productif du point de vue des animaux, ça ne serait pas néfaste. Elle est venue d'un texte de Charles Motin, qui est un gars qui participe à la PMAF, qui est matheux, ça se verra d'ailleurs. Et je vais reprendre des maths. Et qu'on avait voulu l'inviter. En fait, il ne pouvait pas venir. Puis comme il a écrit un courrier, enfin une sorte de lettre qui explique bien son point de vue, ses arguments, on s'est dit bon, c'était pas grave, que ça pouvait être lu tout bêtement, et puis qu'on pouvait démarrer le débat à partir de ça, parce que c'est bien exprimé, c'est bien condensé. Et moi, en fait, je me suis proposé pour le lire. Moi, je trouve qu'effectivement, ça pose des super bonnes questions. Globalement, je suis quand même pas d'accord avec ses conclusions, mais voilà, ce que je propose, c'est de lire rapidement ce qu'il a écrit. Donc, c'est une sorte de lettre, en fait. Je suis de plus en plus réservé sur le thème du végétarisme, qui, surtout face au public général, occupe le problème des œufs, de batterie principalement. Nos positions là-dessus peuvent être résumées par le fait qu'il y a davantage de souffrance dans une omelette faite avec des œufs de batterie que dans un filet de hareng ou dans de la viande bio. On peut s'interroger aussi sur le sort des vaches laitières industrielles comparé à celui d'animaux à viande élevés de façon extensive. Donc je trouve qu'il y a une incohérence entre un discours radical du genre « viande égale meurtre », etc. et le végétarisme un peu fourre-tout, où celui qui mangerait 3 œufs de batterie par jour serait du côté du bien, et celui qui mangerait 50 grammes de poisson ne provenant pas d'une pisciculture industrielle serait du côté du mal. Un message exclusivement, ou même prioritairement, anti-viande peut favoriser dans le public général la consommation en remplacement de produits causant plus de souffrance. Si on trace un segment AB, surtout pour dire ce qu'il veut dire, on imagine un segment AB. Ou A c'est où? A c'est là. Où A désigne un végétalien. Et B, un omnivore totalement indifférent à la vie animale. Voilà. Il est simpliste de considérer que tous les omnivores lactovo-végétariens, c'est-à-dire qu'ils mangent aussi des œufs, seraient tout près de A. Et qu'un omnivore, même soucieux d'éviter les produits carnés ou non provenant de l'élevage de son partenaire, se trouverait plus près de B. En fonction du mode d'élevage. C'était ça, l'histoire du segment AB. Tout dépend de la quantité de produits animaux consommés et du mode d'élevage. Personnellement, je me sens moins éloigné du second que du premier. Le second étant B, le premier étant A. Même si on veut subventionner le fait de tuer par rapport à l'existence de souffrance prolongée, une position lactovo-végétarienne n'est pas satisfaisante. Où finissent les poules pondeuses et les vaches laitières, et que deviennent les veaux issus de ces dernières? Pour se montrer intransigeant sur le refus de tuer, seule une position explicitement végétalienne est possible. Je n'ai même pas tout à fait juste, puisque même le mode de production de céréales et tout ça, après plein de souffrance. De même, seule cette dernière, donc une position explicitement végétalienne, permet de récuser le principe même de l'élevage. Il prend l'exemple de la pétition qui a été faite par l'Alliance végétarienne, qui demande une option végétarienne dans les cantines. Et il dit qu'il n'est pas d'accord avec cette pétition, parce qu'elle amènera à remplacer des plats carnés de cruauté variable par des œufs en batterie, donc de cruauté garantie. Et il dit, c'est une pétition que j'aurais signée dès demain, si j'étais producteur d'œufs. D'ailleurs, j'estime que la même liberté de conscience devrait s'appliquer aux végétaliens. Pour qui ce type d'option végétarienne n'est pas un progrès? Même si on objecte qu'il faut bien commencer par un premier pas, ce premier pas n'est pas satisfaisant car d'abord il risque d'entraîner un surcroît de souffrance animale, en parenthèse, un premier pas devrait au moins comporter un début d'amélioration, et ensuite car ce premier pas sera-t-il suivi d'un second? En effet, lorsque les lactobos végétariens auront ce qui leur convient, accepteront-ils de soutenir les demandes des végétaliens? D'autant plus que certains d'entre eux ont vis-à-vis des végétaliens une attitude comparable à celle des omnivores ordinaires vis-à-vis des végétariens. On aurait dû faire un schéma. Ah oui. Ben, grosso modo, les végétariens, des fois, sont aussi chiants à mettre les végétaliens à les regarder de loin que les omnivores sont végétariens. Merci. C'est gentil de te mettre en mouvement. Mais c'est que j'ai lu le texte avant aussi, moi, pour essayer de comprendre. Il est commun dans le comportement humain de demander un assortiment général dans un premier stade et ensuite de se défiler quand on a ce qu'on veut et avant de soutenir les demandes de ceux dont on avait demandé la plus. J'ai été trop vite. Ouais. Je me mets à la niveau. Il est commun dans le comportement humain de demander un assentiment général dans un premier stade et ensuite de se défiler quand on a ce qu'on veut et sans soutenir les demandes de ceux dont on avait demandé l'aide. Donc là, il parle des végétariens qui vont défiler et pas soutenir les végétariens. Alors que les végétariens les ont suivis. Dans le même ordre d'idée, je n'adhère pas à la position « il ne faut pas être puriste » ou « il ne faut pas trop en demander pour éviter d'effrayer le gogo » car un premier pas n'est valable que s'il est une première amélioration et s'il n'est pas un cul-de-sac. Le bilan en souffrance animale serait meilleur avec un premier pas axé prioritairement sur le refus de l'élevage concentrationnel. Alors, il rajoute aussi, pour parler à quelques objections déjà entendues, concernant par exemple la valeur symbolique de la viande. Lui, il dit, c'est une notion émotionnelle qui ne rend pas compte des proportions réelles en souffrance, des souffrances liées à tel ou tel produit. Donc c'est comme ça qu'il évacue cette... C'est tout ce qu'il dit là-dessus. C'est tout ce qu'il dit là-dessus. Mais oui, c'est une vision très particulière de ce qu'on appelle valeur symbolique de la viande. Et une autre objection qui est les gens qui disent je refuse l'abattoir. Oui, puisque lui, il propose finalement des campagnes liées au refus de la viande industrielle, plutôt que des campagnes liées au végétarisme. Et donc une autre objection, c'est les gens qui disent moi je refuse l'abattoir. Et il dit, seul un végétalien, et qui l'affiche clairement, peut le dire. Le sort des couponneuses, des vaches, des veaux, qui ensuite passe par la cage élevage en batterie avant d'y aller, est concerné par les abattoirs. En plus, ces animaux de réforme, ayant une valeur marchande très faible, sont encore plus maltraités que les animaux à viande au moment du ramassage, du transport et de l'abattage. Voilà. Bon, ensuite, pour défendre son point de vue, il dit qu'on ne peut pas prôner, alors il répond aussi à l'argument, à l'objection, on ne peut pas prôner le végétalisme car il paraît problématique à beaucoup de gens. Il dit soit. Mais si on doit proposer un message plus modéré ou plus réaliste, le refus absolu de la viande, quoi, ne suffit pas, il ne convient pas. Il faudrait trouver un message intermédiaire qui prenne en compte les souffrances endurées par l'animal pendant l'ensemble de son existence. Donc un éventuel questionnement sur la viande doit impérativement s'accompagner d'un questionnement sur les modes d'élevage. Si on répond qu'il faut un message simple et pas en deux parties, alors la mise en cause de certains types d'élevage, y compris pour les œufs et le lait, me semble prioritaire. Autre objection à laquelle il répond, c'est le végétarisme est un premier pas vers le végétalisme. Et là, il dit à nouveau, j'ai déjà indiqué que ce premier pas n'est pas un avis positif en matière de condition animale. En plus, pour beaucoup, ce sera un cul-de-sac. Il n'y a qu'à comparer le nombre de végétaliens avec le nombre de lactobos végétariens. C'est-à-dire qu'en aucune façon, on peut considérer ce qu'il dit, que le végétarisme est un mode de transition vers le végétalisme. En plus, beaucoup de gens estiment ne pas pouvoir se passer de protéines animales, y compris d'ailleurs parmi les lactobos végétariens. Beaucoup sous-estiment les protéines végétales. D'ailleurs, la proximité qu'on croit voir entre végétaliens et lactobos végétariens est non seulement vague en ce qui concerne leur influence sur la condition animale, c'est-à-dire sur la quantité et la provenance de ce que mangent les gens, mais elle est tout autant sur le plan nutritif. Il dit que lui, il a pratiquement banni le mot végétarien de son vocabulaire public. Selon à qui il s'adresse, soit il dit qu'il est végétarien, et il le fait surtout quand il pense qu'il risque d'être invité quelque part pour éviter des surprises désagréables, c'est-à-dire pour les raisons pratiques, et que sinon, devant un public plus effrayable, il dit qu'il ne mange pas de produits concentrationnels. Bon, ensuite, il a fait des calculs que j'ai pas fait très intéressants. Il a fait des calculs sur la durée de souffrance en élevage industriel par rapport aux protéines procurées. Mmh. Mais ça ne semble pas extrêmement intéressant, parce que sur les protéines, les gens ne vont pas calculer en fonction du nombre de protéines qu'il y a dans les aliments. Par contre, il a fait des calculs, puis je vais terminer là-dessus en fait, il a fait des calculs qui me semblent plus intéressants, c'est le nombre d'animaux de ferme consommés par habitant. Et il a calculé ce que signifie la consommation d'œufs et de lait, aussi en termes de mort. Est-ce que vous avez sur internet ce texte, moi j'ai vu en fait, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Non mais j'ai appris des choses, mais les calculs sont intéressants, je suis pas d'accord avec toi, mais on continue. Mais c'est que c'est un peu. C'est, je me suis dit que c'était pas suffisamment intéressant parce que les calculs c'est chiant en fait, à dire aux voix parce qu'on ne comprend rien quoi. Il faut les voir quelle ouais, que je projette quelque chose. Bon, on va peut passer les prix sont réglés. Ça y est, Pascal, tu veux un petit calcul? Bon, le nombre d'animaux de ferme consommés par habitant, les calculs qu'il a fait, c'est plus ou moins. C'est pas toujours évident, c'est en fonction des chiffres qu'on a, on peut oublier des choses. Mais les poulets, donc les poulets de chair, hein, il dit qu'en grosso modo, ce sont 10 poulets qui sont consommés par an et par habitant. C'est-à-dire entre 750 et 800 poulets par personne pendant sa vie. Si on rajoute les lapins, ça fait 15 à 20 animaux par an. C'est-à-dire on passe de 10 poulets par an à 15 à 20 animaux, si on rajoute les lapins. Ça fait 5,5 lapins, quoi. Ensuite, les poules pondeuses. Comme il y en a 55 millions en France, ça fait à peu près une poule pondeuse par personne. Une par personne. Approximativement. Sur l'année. Sur l'année, oui. Ouais, sur l'année. Oui, moi, quelle est sur l'année en permanence. Oui, en permanence. Il y a une poule qui vit vers où? Il y a une poule vivante par habitant. Au total, en poule pondeuse. Qui vivent entre un an et un an et demi, c'est ce qui rend le calcul un peu plus. Approximativement, chaque consommateur correspond à une poule pondeuse, et donc provoque la mort d'une poule pondeuse. Et donc d'un poussin mâle, puisque les poussins mâles femelles liquidés, plus. Non. Et donc d'un poussin mâle, puisque la totalité des poussins mâles des souches de poules pondeuses sont tués, ouais. Plus les poussins mâles et femelles qui sont liquidés parce qu'ils n'ont pas écho à temps. Ouais. Ça, j'ignorais cette histoire. Ouais. Mais comme c'est un truc industriel, il faut éclore dans un certain temps, sinon c'est utilisé aussi. Donc ça, c'est tous les un an à un an et demi, ça veut dire qu'il y a une poule plus qu'il reste. Donc ça fait environ 50 poules pondeuses et au moins autant de poussins pendant la vie de quelqu'un. Je sais pas pourquoi il a calculé comme ça, mais... moi j'aurais 75. Mais... Et si on consomme des œufs de batterie, sa consommation annuelle, environ 250 œufs, c'est-à-dire environ 1 kg, nécessite la détention en cage de pompe, donc en cage en batterie, d'une poule pendant 10 mois ou 11 mois. Vu qu'une poule pond en 280 à 300 œufs. C'est-à-dire, grosso modo, quelqu'un qui consomme des œufs, il est directement responsable de la mise en captivité avec ça comme espace d'une poule pendant 10 à 11 mois. Donc c'est pas mal. C'est même mal. Voilà. Bon, sinon, les autres chiffres, les bovins, grosso modo, ça fera à peu près un bovin consommé tous les 12 ou 15 ans. 12 à 15 ans. C'est un tous les 12 à 15 ans. Donc c'est sans commune mesure avec les poulets et avec les poulets. les porcs importent tous les 2 ou 3 ans par habitant. Donc 25 à 30 cochons mangés par personne pendant une vie. Les ovins. Ovins, c'est les moutons. Hein. Oui. Un agneau. Ça fait un agneau tous les 6 ans. Tous les 7 ans. À peu près 10 ovins consommés dans une vie. Et les vaches laitières et les bois induits, en prenant comme base une production de 5 000 litres par vache et par an pendant 5 ans, après elle va être pas, comme la consommation annuelle par an des gens est de en moyenne de 150 à 200 litres de lait par an. Oui, ça reprend le fromage, il faut à peu près 10 litres de lait pour faire un sou de fromage. Et puis, c'est en comptant surtout, c'est comme pour les œufs en batterie, c'est en comptant tous les produits manufacturés, la moitié des œufs en batterie à peu près, qui sont des produits qu'on achète, le caviar, je ne sais pas quoi, breton, ce machin-là, le chambon, la mayonnaise, le changement d'œufs. Donc oui, voilà, mon arménien. Vu la consommation des gens, est-ce que produisent les vaches? Un habitant sacrifie environ une demi-vache dans sa vie, au niveau laitage, et environ un veau tous les 25 à 30 ans, vu que les veaux sont produits. Ça fait environ 3 veaux par personne dans cette vie. Voilà. Alors en tout cas, bon, bah, pour les laitages, du coup, on peut dire que c'est moins que la consommation de viande, le coût à payer en termes de mort. Et là, c'est le coût à payer en termes de mort, c'est pas le coût à payer en termes de souffrance, mais par exemple les vaches laitières ont souvent des conditions de vie infiniment plus terribles que les vaches à viande. Et là, ils viennent d'inventer les colliers électroniques pour que la vache aille elle-même aller chercher à manger. Qu'elle soit obligée d'aller se faire faire et tout, mais tout par un collier électronique. Et en fait, j'ai un peu peur qu'il fasse pareil pour. Parce que sinon, il y a des charges électriques, je crois. Et j'ai peur qu'il fasse pareil pour l'abattoir. Ah oui. Bon. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec les chiffres qu'ils donnent, c'est vraiment clairement les histoires de batteries ou fondeuses qui sont. Pourquoi non, c'est pas clairement. Mais en tout cas, c'est à mettre sur un même plan que la consommation de poulet, quoi. Au niveau des morts et des souffrances. Ça fait moins de morts directes, mais. Est-ce que tu as entendu parler ou vous avez entendu parler du plan des rôles? La bataille des bûches. Est-ce que tu as entendu parler du plan des rôles? La première fois. C'est la plume que donne l'Europe quand t'as un veau à la naissance. J'ai entendu, c'était pour maintenir les quotas laitiers, donc ils abattaient les veaux, mais en plus c'est brûlé pour les enfants. C'est ça, la prime tu l'as quand tu le brûles et quand tu le gardes. Attends, je n'ai pas compris pourquoi. Donc, Bruno, vas-y. En fait, il y a une surproduction de veaux, c'est pour ça déjà qu'on a fait le veau à viande blanche en ferment et en brûlant du lait. Mais ça fait quand même beaucoup trop de veaux par rapport au marché. Et pour continuer à avoir autant de lait mais moins de veaux. En liberté, il y a une prime européenne à l'abattage dès la naissance. Donc si tu l'abats et que tu fais absolument rien de ton veau et que tu te fais brûler, tu as cette prime-là qui est super bien. Ça c'est génial. Donc voilà, ça c'est les arguments de Charles Notin. Quoi. Oui, oui, il est antispéciste végétarien. Et donc il a il défend une politique, lui, qui est plutôt de mettre l'accent sur le refus de l'élevage industriel. C'est justement une petite question que. Oui. Quand on est allé en bus, la personne de la vétérinaire, ceux qui fument la pipe. Et les chiffres sont calculés par rapport aux gens qui ont 40 000 ans. Non, c'est en France. C'est ça. Oui, oui, c'est bien. Non, non, c'est pas généralisable. D'accord, c'est ça. Oui, c'est. Ok. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire ça? Bah, déjà, c'est quand même abusé de dire que tous les végétariens mangent des œufs de batterie. Il peut très bien être végétarien et manger des œufs de ferme. Déjà, par rapport à l'alliance, peut-être que ça ne change pas beaucoup de problèmes. Mais que sinon, quand on dit, ouais, c'est bien d'abord végétarien, mais il en faut que, en fait, Mais si quand même, moi, avant j'étais végétarien, puis pour faire souffrir les animaux, j'ai après on dit oui, et les bovins et les poules. Donc les bovins, bah, effectivement, et bah, je sais pas, bah, peut-être que tout le monde ne fait pas ça, mais tu peux continuer. Donc, mais, ah non, tout le monde ne fait pas ça. Non, tout le monde ne fait pas ça. C'est végétarien qui ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la pédagogie, je veux dire qu'en fait, si ça avait plus de souffrance dans un premier temps, c'est forcément mal. En fait, je pense, mettons que ça n'a rien à voir, mais un chirurgien, si par exemple vous avez un, je sais pas, quelque chose dans le ventre qui est pourri, enfin, un chirurgien est obligé de vous souffrir le ventre, donc c'est quand même une souffrance supplémentaire. Mais parfois, ouais, peut-être que malheureusement, il y a plus de souffrance dans un premier temps, mais pour poursuivre, on opère et après, il y en a moins. Vous apprenez pas. Le rapport, c'est que peut-être que parfois il y a plus de souffrance dans un premier temps, puis j'en ai moins après. Plutôt que pas trop de souffrance maintenant, mais pendant longtemps, et encore pire après. Moi, ce qui m'inspire, c'est que c'est un pur concentré de la pensée. Végétaliste. De la pensée individualiste, c'est-à-dire de la pensée de diffusion de la chose par capillarité, par un végétarien, un végétalien, plus un végétalien, plus un végétalien. Et qu'il fait complètement en impasse, alors il ne pense même pas à. Ah si, il pense qu'il sera d'un symbolique, quoi. Mais il ne comprend pas. C'est comme s'il ne comprenait pas ça en tant que mouvement politique. Et au niveau des chiffres, au niveau des trucs, c'est vrai, et je pense qu'il y a. Il y a un vrai problème, effectivement, que les gens ils sont végétariens, puis souvent ils sont satisfaits de ça, mais d'abord je pense que c'est pas vrai au niveau, autant que tu le dis. Et je pense qu'il y a un problème, un autre problème qui est derrière, qui est un petit peu au niveau du vocabulaire, j'ai l'impression de connaître plein de gens qui sont, moi je le classerais comme végétalien, parce qu'ils bouffent du style de l'œuf une fois par an quand ils bouffent un bounty. À un moment qu'ils ont la dalle et qu'ils n'arrivent pas à résister, quoi, ou quand ils mangent chez leurs parents, ils bouffent le fromage, mais que sinon ils ne bouffent pas le fromage, ils n'achètent jamais le fromage, ils n'achètent jamais d'œufs. Bah, pour l'essentiel, ils sont végétaliens, mais simplement ils ne se déclarent pas végétaliens parce qu'on a l'image du végétalisme comme étant le truc qui doit être 100% strict et pur, parce que c'est comme si c'était le sommet de la noblesse d'être végétalien, et que donc on n'a pas le droit de s'en réclamer si on n'est pas en train de l'éviter à tout mettre au-dessus de la terre. Quoi. Enfin, moi, je considère que je suis végétalien depuis, je sais pas, 16-17 ans, et que, bon, entre-temps, c'est arrivé de bouffer du fromage quand on me. Enfin, je veux dire, dans certaines occasions où c'était très difficile de refuser, puis il y avait une meuf dans tel truc que j'ai acheté sans faire gaffe, que j'ai bouffé quand même, enfin, je sais pas, je veux dire. Bien sûr. Et qu'il faudrait peut-être démythifier aussi le végétalisme, et que ça changerait sans doute les chiffres des gens qui se réclament du végétalisme. Et qu'une des conséquences de cette mythification du végétalisme, c'est aussi que les gens ils se disent « je peux pas être végétalien », que je ne veux pas l'éviter à 10 mètres au-dessus de la terre, donc je continue à bouffer du lait et des œufs sans poser de problème. En fait, j'ai l'impression que les gens ont tendance des fois à se fixer trop sur des histoires statues de terminologie. Quoi. Enfin, voilà. Pire que de manger la viande, c'est ce que je dis. Au niveau de, pas de la religion symbolique, mais au niveau de. l'éducation française. Je crois que la Vegetarian Society britannique, enfin, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de la France, mais la Vegetarian Society britannique, elle a refusé de mettre le label végétarien sur des produits qui ont des œufs en batterie. C'est pas un critère. Alors, je ne sais pas si elle dit à ses adhérents qu'il ne veut pas être adhérent ou des œufs en batterie, mais en fait, ce n'est pas vrai qu'il n'y a aucune conscience parmi les végétariens du problème des œufs en batterie. Moi, je pense qu'il y a un autre facteur aussi dans cette gradation entre végétarisme et végétalisme. Moi, je ne mets pas d'échelle de valeur non plus. Je pense que c'est en termes d'identification de conscience. Je pense que c'est plus facile de s'identifier à un mammifère qui est gros. C'est tout bon que de s'identifier à des œufs, même pas à une poule, mais à des œufs. Et je pense qu'effectivement, dans ce sens-là, je suis pas d'accord avec lui, parce que je crois que c'est plus facile d'alerter la conscience, ou sa propre conscience, sur un phénomène d'identification comme ça. Parce que l'être humain fonctionne comme ça, et que voilà, et que oui, peut-être je suis d'accord avec Guy dans ce sens-là, effectivement. Et qu'après, le végétalisme, c'est une fois que ta conscience elle, s'est bien implantée dans ça, quoi. Je peux être comme cette vache, ou comme ce cochon, hein, bon. Après, une fois que j'en suis là, je pense que là, oui, je... Ben après, ça va tout seul, en fait. C'est Valérie qui est partie aujourd'hui, et elle nous a dit, c'est foutu pour moi. J'aurais pas de retour en arrière. Valérie, qui est partie tout à l'heure, qui est végétarienne, a dit en partant quelque chose qui était marrant, quoi. Elle a dit, c'est fichu, maintenant, j'ai ouvert une porte. Moi, je dis souvent ça, quoi. Le végétarisme, c'est une première porte, tu l'ouvres, tu passes de l'autre côté, tu te retournes, tu vois plus la porte, parce que tu sais plus comment repartir en arrière. Mais je pense que quand tu arrives au végétalisme, c'est vraiment une autre porte. Alors, celle-là disparaît très très vite, là, pour le dessus. Et à mon avis, pour que les choses s'ancrent et pour qu'il y ait une réelle conscience qui dure à long terme, il faut passer par cette gradation et donc accepter que la psychologie humaine a besoin d'identification pour développer sa conscience. Mais que ce mon avis, le psycho, je ne sais pas. Juste par curiosité, qui ici est passé par le stade végétarien ? Et moi, je me suis moins fait de. Je mangeais plein d'œufs, jusqu'à 2 œufs par jour. Oui, moi aussi. Et je n'empêche que j'ai l'impression que le truc qui m'a permis après de militer par rapport aux animaux, c'est quand je suis devenu végétarien. Même si à ce moment-là, je fais des œufs, ça a duré quelques années, mais ça fait 20 ans que, bientôt ça va faire 20 ans que je suis végétarien, donc c'était les 20 ans de quand je suis végétarien, ça va être en octobre. Non, mais je veux dire, j'ai aucune date souvenir de quand je suis devenu végétalien. C'était à un certain moment, certainement. 22 ans. David, on est là sur de lui quand t'as dit je vais devenir végétarien. Il dit ah oui, donc on va être ensemble. Bah moi aussi. C'est ça ? Oui, moi j'avais été végétarien avant, puis j'avais recessé, tout après son système. Et quand David est venu voir en disant ah, ça fait des années que je réfléchis, allez, je vais faire quoi, j'arrête de manger des animaux. Ah bah oui, moi aussi. Vous m'avez accepté dans votre petite fête, moi ça fait 22 ans. Bon. Je peux venir avec vous, je vais venir faire la tête. J'ai 2 ans de plus, mais on n'a qu'à dire que, je sais pas, moi, je vais manger une boîte de sardines. Ça va ? Ok. Ça devient un bon endroit, la campagne. Sur ce que dit Charles, sur le fait qu'on se préoccupe des œufs après devenir végétarien, je pense que c'est une connerie, parce que je connais beaucoup plus de gens qui ont arrêté de manger des œufs que leur batterie, parce que c'est ça mon petit par hasard, et qui ne sont pas végétariens, ils ne sont pas prêts de l'être. Donc en fait, si ces gens-là devenaient végétariens un jour, déjà ils ont arrêté de consommer des œufs de poulet depuis des années. Et d'ailleurs, la progression, enfin la baisse de la vente des œufs de poulet en batterie, elle est très très rapide. C'est vraiment en quelques années, il y a un écroulement des ventes d'œufs de poulet en cage. Voilà, et puis en fait, si on suit la courbe des autres pays, c'est que dans moins de 10 ans, c'est la majorité des œufs vendus et alors que la progression du végétarisme ou du végétalisme, peu importe dans ce cas-là, elle est bien moins rapide. Puis même dans les carnivores, entre guillemets, enfin, les carnivores, je trouve qu'il y a des parce que là, ils disent, bah, moi, en fait, je ne mangerai jamais de cheval. Et ils ont une pensée quand même pour le cheval. Ils disent, moi, pas que cet animal souffre. Je trouve que c'est déjà une approche. Ils disent, moi, je ne mangerai pas de lapin. Et là, ils disent, bah, moi, je ne mange pas de cochon. Là, c'est moi, je ne mange pas la vache. Et je trouve qu'on peut quand même avoir un bon dialogue avec même des gens qui ne sont pas végétariens, végétariens, mais qui ont quand même une approche, une sensibilité sur le respect de l'animal. Dans les tracts qu'on a fait, il y a un tract généraliste sur quoi refuser l'exploitation qui parle de plein d'exploitations différentes. Il y a un tract sur la viande et son équivalent. Enfin, pour moi, c'est la même chose. Un autre sur le poisson, on a fait deux tracts différents. Dans la tête des gens, c'est des choses différentes. Puis qu'autant en parler comme les poissons en plus, on les passe sur sous silence. C'est pour leur consacrer un tract à part entière, même si ça consacre encore la différence entre viande et poisson. Mais bon. Mais on a fait aussi un tract sur les œufs. Sur les œufs. Absolument. En se disant, c'est pareil, il y a une urgence, il y a pas prendre conscience. On en fait un sur les fromages. Le fromage. Non mais sinon on aurait pu faire cuire, fromage, fourrure, zoos, je ne sais pas quoi. On s'est dit que déjà 4, on peut ensuite. Bien sûr, sauf que le cuir, on ne mange pas le fromage, c'est quand même énorme en France. Hein. C'est un sacré truc. C'est sur les œufs en batterie spécifiquement Non, non, non, c'est sur les œufs. Bon, le fromage, c'est un bon truc à vous. Pardon ? Non, bah, c'est un peu une espèce de vache sacrée culturelle française. Ah oui. Oui, il y a ça, ouais. C'est vraiment important. Moi, je sais que c'est en ce moment, c'est d'actualité dans mon couple et le fromage, c'est ce qui nous menace. Et j'aurais bien aimé repartir avec un tract sur le fromage. Ah. Mon point d'argumentation. Mais il faut que je prenne un article la semaine prochaine pour voir ça mon magazine sur le fromage. Oui, ça serait bien. Je suis pas bien heureux avec ça. Ça serait pas mal. Aussi, dans le texte de Charles, il parle des végétariens, des végétaliens, des omnivores, parce que les catégories très compartimentées dans la répression, les gens définissent vraiment comme tel. Mais un végétarien, a priori, se pose des questions par rapport aux animaux, par entre eux, s'il est devenu végétarien. Et que du coup, son comportement de simple consommateur, puisque c'est ce qui parle de ce point-là, vis-à-vis des œufs, ou soit ce que vous avez des œufs, il y a toute chance d'être beaucoup plus. De se poser des questions par rapport à les conditions de production d'un œuf de poulet en batterie. Encore plus que celui de quelqu'un qui mange encore de la viande, qui n'est pas végétarien, qui n'a pas fait certaines réflexions par rapport à ça. Donc de supposer que le végétarien va consommer. Plus de en batterie que quand il n'était pas végétarien, je trouve ça aussi, ça reste largement à trouver, mais c'est faux. Je pense que le végétarien qui se met à consommer plus d'œufs, il a tendance à les prendre, au moins pour ceux qui l'achètent, qui va marcher, l'année dernière. Mais c'est vrai qu'il n'appuie pas ses dires sur une étude. Ouais, c'est une supposition qu'il fait. Et moi j'ai l'impression qu'en plus, même si il est avéré qu'il a raison, c'est-à-dire que globalement, les gens qui deviennent végétariens consomment plus d'eux et que ça dure, vraiment que globalement, on peut dire que ça empire. Mais bon, c'est même pas sûr en regardant les chiffres qu'ils donnent, de toute façon, par exemple le fait d'arrêter de manger des poulets en batterie. C'est largement, ça compense largement les morts de tout compte de ce par exemple. Enfin, c'est même, bon. Mais bon, même en considérant qu'il a raison, moi il me semble que de toute façon, c'est que ce que vous avez dit, c'est qu'il raisonne purement en termes de propagande vers les consommateurs en fait. Alors que moi pour moi, une campagne pour le végétarisme, c'est. Quelque part, ce n'est pas le végétarisme en lui-même qui est visé, c'est une campagne politique. Et ce qui est visé, c'est une transformation des rapports entre humains et animaux. Et Charles Notin, il est battu très vite. Et en plus, en semblant ne pas bien comprendre la notion de valeur symbolique de la viande, alors c'est vrai que c'est vague comme expression, mais moi, ça me semble assez fondamental. Moi j'ai le sentiment que quelqu'un qui fait le pas vers le végétarisme, c'est quelqu'un qui fait sauter un verrou au niveau pratique, mais du coup au niveau mental, dans son rapport aux animaux, quoi. Qui accepte de changer quelque chose qui est central dans la société au profit d'animaux, c'est-à-dire qu'il fait un pas énorme, et en plus, c'est qui accepte de renoncer à, en fait, c'est ce qui, justement, je pense être une pratique fondamentale, justement, du spécisme, qui est en quoi le spécisme, parce que c'est une pratique. Enfin, je suis d'accord, mais en même temps, je vais mettre un petit bémol à ça, parce que je trouve que le végétarisme, ça, enfin, dans la société actuelle, c'est quelque chose qui est plutôt perçu comme positif. Être végétalien, c'est un truc de barré, tu vois. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Enfin, la plupart des gens le voient vraiment comme ça, quoi. Et, devenir végétarien, c'est pas très coûteux, en vrai, dans notre société. T'es plus sensible, t'as des petits problèmes de santé, je sais pas quoi, blablabla, tu peux toujours justifier facilement, enfin, c'est bien perçu par tout le monde, d'être végétarien. C'est récent, hein. Apparemment, ça peut être mal perçu dans certains milieux, mais globalement, tu vas pas te faire emmerder tant que ça à être végétarien, alors que dire que t'es végétarien, que tu refuses les œufs et le lait, là t'es perçu comme quelqu'un qui... Le saut, il est pas plus là, fou, dangereux. Passe de l'éthique au fanatique, quoi. Alors, je suis d'accord quand même, quoi, que le fait de refuser la chair animale, c'est déjà un pas important, etc. Très con, ça permet de, pour la personne qui le fait de se poser des questions plus sereinement, quoi. Mais je trouve que par rapport au rapport social en général, c'est le végétalisme qui est beaucoup plus difficile. Enfin, parce que tu sors beaucoup plus du cercle social, en fait, quand tu deviens végétalien, ça va être une culture vachement centrée sur la bouffe, et c'est vrai que le végétarien, on va toujours manger un peu partout, exactement, pas trop chier les gens. Et végétalien, là, c'est vraiment dur de continuer à aller au restaurant, d'être invité et tout ça. Et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu... Oui, mais pas seulement à cause de ça, mais aussi parce que les gens se disent, mais alors là, c'est vraiment abusé. En effet, le végétarisme, c'est bien suffisant. C'est compliqué, justement. Moi, ce que je comprends, c'est que ça n'a pas de rapport avec ce que je disais. Moi, je parlais de la charge symbolique de la viande. Si, c'est un rapport. Je suis désolé. Non, mais c'est peut-être moi qui vais compris ce que tu dis. Non, mais ce que... Enfin... En fait, là, tu avais l'air de dire que c'était plutôt... déjà un pas fondamental de passer du l'omnivorisme au végétarisme. Bon, pour la personne qui fait ce choix-là, c'est sûr que ça permet de se poser en tant que non consommateur de viande, il ne va pas massacrer les animaux pour nourrir directement, il va pouvoir réfléchir à la question de manière plus sereine. Enfin, plus sans culpabiliser plus que ça. Oui, c'est même pas ça, je trouve. C'est une sorte de changement qualitatif. T'as l'impression que tu passes à l'autre côté, que tu as fait un changement fondamental. Et justement, c'est en sens ça que c'est symbolique, parce que c'est pas nécessairement lié totalement à la réalité. Mais je trouve que c'est lié à la valeur symbolique de la viande, qui est une valeur clé dans le spécisme. Oui, c'est pas contradictoire. Oui, parce que c'est un peu ce que disait David, enfin c'est même complètement ce que disait David, quand il dit qu'il se rappelle de quand le jour où il a décidé de devenir végétarien, alors de l'autre côté, il a donné une fée, quoi. C'est ce qui est mon cas aussi. Mais, en fait, t'as raison, mais c'est vrai que le choix de devenir végétarien, c'est un choix assez volontaire, quoi, à un moment donné, et que le fait de passer de végétarien à végétalien, c'est plus se dire, bon, allez, maintenant, c'est bon, j'arrête le fromage. Mais je trouve que socialement, c'est pas perçu de la même façon. Et en plus, pour un végétalien, vivre avec des végétariens, c'est un truc de ouf. Il y a le côté nutritionnel, c'est-à-dire que végétarien, normalement, t'as pas de carence. Végétarien, faut supplémenter en vitamine B12, attention à la B2, alors est-ce que dans certains acides aminés, votre culte a fait des connaissances différentes? Non, mais ça, c'est des faits, à mon avis, de... des images qu'on a, quoi. Je veux dire, c'est parce que... En pratique, c'est difficile d'être végétalien parce que dans n'importe quoi qu'on trouve, les sandwichs ils sont en fromage avec du beurre dedans et qu'ils sont végétariens ou pas végétaliens, que les gens ils ont l'impression que forcément un niveau qui est éthique, ça doit forcément être plus compliqué. Je veux dire, végétalien, c'est pas plus compliqué que végétarien, il n'y a rien à faire. Le problème de la B12, c'est facile à régler. C'est un truc qu'on nous met dans la tête, à mon avis, c'est... qu'à mon avis aussi, on nous met dans la tête, parce que depuis quelques années, j'entends un discours qui est, de la part de gens du site Défense de la Viande, Défense de l'Industrie de la Viande, qui est de dire, végétarien, vous pouvez être végétarien, mais ça ne change rien, parce qu'il y a les œufs, parce qu'il y a les veaux, etc., etc. Or, il n'est pas question que vous soyez végétalien, et puis c'est là qu'ils viennent à mettre la tartine sur les acides aminés, patati, en racontant un tas de conneries, mais pour effrayer les gens, en disant donc que c'est pas la peine de commencer à être végétarien. Alors moi je pense que, d'une part, à niveau factuel, le discours il tient pas debout, parce que factuellement il est par contre facile d'être végétalien, mais aussi, je pense que les gens peuvent très bien comprendre, les gens comprennent ce que ça veut dire être végétarien. Les adolescents, quand ils se mettent à être conscients de la souffrance animale, ils deviennent végétariens. Les gamins, pareil. Ça me paraît. Enfin, à la limite, j'ai envie de dire, mais c'est évident, quoi. La première chose qu'on a envie de faire quand on remet en cause l'exploitation animale, c'est de la peindre qu'on en a dans son assiette. Je veux dire, bon, le mec, on a vu le film là, vers le début, c'est ce qu'il disait. Le lapin ressemble à son chat. Patrick Sacoul nous a dit un peu un truc pareil hier. Le lapin, c'est. Enfin, et moi, c'est peut-être un lapin ou un poulet. Enfin, je veux dire, les gens, ils ne regardent pas leur œuf dans leur assiette en disant pour produire un œuf, il y a combien de poulets, la plus grande cage. L'identification n'est pas du tout la même. C'est pas une question de grosseur de mammifère, effectivement, c'est une question de cadavre, c'est une question de chair. Oui, de chair, de vie, de mort. Oui. Après, moi, j'ai l'impression que si le but de notre action, c'est un changement qualitatif de notre civilisation dans son rapport aux animaux, que ce changement-là, eh ben, il est en germe dans un virage vers le végétarisme, qu'il n'est pas dans un changement de mode d'élevage. Je préférerais un mode d'élevage en plein air plutôt que directement en cage en batterie, etc. Quoi. Et pour moi, c'est un peu ça le truc fondamental. Oui. C'est pour moi, le végétarisme, c'est un levier vers un changement d'amplitude et surtout un changement qui va être un changement politique qui va concerner l'ensemble de la société. Et ça, je ne crois pas qu'on puisse obtenir. Oui, en plus, le gamin dans les cantines qui a son repas à poulet, porc, batterie, à la place du poulet en batterie, il va revenir le soir à la maison, puis il va dire à ses parents rien. Il ne va même pas en parler, il ne va même peut-être pas être au courant du fait qu'il a plus de poulet en batterie plutôt que du poulet en batterie. Alors que s'il y a un menu végétarien, bon, d'abord, il est probable que ce ne soit pas pour tout le monde et que le gamin puisse exprimer ses sentiments en choisissant le menu végétarien, ça fera des morts, il reviendra à la maison, il dira c'est possible de bouffer sans viande, je ne sais pas, c'est complètement différent. J'ai l'impression que cette approche-là, c'est une approche d'une part capillaire et d'autre part une approche du style lobby, amener les cantines à faire acheter du poulet pour en batterie plutôt que du poulet en batterie, mais que le populot qui le bouffe, il ne va pas être impliqué dans l'histoire. Enfin, moi, je trouverais. Enfin, il dit ça, il critique aussi la Veggie Pride, par exemple. Je trouvais la Veggie Pride, c'est super bien si quelqu'un vient à la Veggie Pride et après la Veggie Pride, on fait une intervention pour dire écoutez, vous êtes végétarien, ce serait bien aussi que vous pensiez aux œufs en batterie, que vous pensiez aux œufs en général, que vous pensiez au lait, etc. Enfin, qu'effectivement, on augmente la présence du végétalisme dans la Veggie Pride. Mais pour moi, la chose fondamentale, les gens, ils viennent là parce qu'ils ont refusé de bouffer les aliments. Enfin, en tant que végétarien, je pense que c'est aussi possible de manger peut-être des œufs, des œufs, sans souffrance animale. Il y a des petits, petits fermiers qui élèvent leur poule dans leur champ, qui ramassent les œufs et tout ça. Bah, ces œufs-là, je ne vois pas trop en fait, sur les problèmes de manger. Mais c'est pas le problème, c'est... pas que ce soit vraiment des œufs, mais t'es sûr qu'ils s'agissent pas mal. Dès que t'es dans le circuit commercial, t'es obligé de passer par une usine de poussins un jour et de sacrifier les mâles de toute façon. Alors, moins que ce soit des amis dont tu sais qu'ils vont garder les mâles et les laisser vivre. Même les circuits alternatifs ou les meilleurs labels du monde, de toute façon, les mâles sont à la poubelle, quoi. Ou alors, qu'est-ce qu'ils sont mieux à tuer? Je parle dans le cadre d'un petit fermier que tu connais, qui a ses poules à vie. De la ligne de la PNF. C'est pour ça que la BM n'a pas un discours. D'accord. Justement, le groupe est là. Quoi. D'accord. C'est exactement ça. Quoi. Il est répondu quand des tracts sont proposés par des personnes qui voudraient faire un acte de végétarien dedans ou absence d'animaux, je ne suis pas d'accord. Enfin, c'est là-dessus que c'est répondu, quoi. C'est sur cette base. Du coup, ça aurait le coup d'engager un débat. Enfin, je vais réécrire une réponse à ça, alors. Un truc argumenté. Ouais. On a reçu le même courrier au cahier il y a quelques temps, mais personne n'a reçu ça. On avait reçu avant qu'il soit sur la liste générale. Par rapport à la fiche là. Par rapport à la fiche végétarien, justement, il avait répondu, enfin il avait argumenté de cette façon-là en disant qu'il trouvait la choix que dans les ingrédients antispécistes, il y ait cette affiche qui apparaisse distribuée. Parce que ça aboutit à ce dont on a déjà parlé, c'est que par exemple, le PNL, je vous distribue un petit carnet, on a l'impression qu'il a été fait par des labels rouges ou des labels bio, qui semble être un petit carnet de promotion de ces labels, quoi. Ouais. Qui est un peu délirant pour une association de protection des animaux de ferme. Enfin, non, c'est pas nécessairement délirant. Mais... Parce que moi, quand je lis ce carnet et que je me dis quel serait le label le plus correct, je me dis il n'y en a aucun. Enfin... Moi, je trouve qu'il a quand même ce mérite-là. Enfin, voilà, là, il donne des faits, ce qu'il y a dans les labels. Si tu lis vraiment motivé, t'en... voilà. Enfin, même si tu veux consommer, donc tuer des bêtes au fond d'une vie correcte, tu vois bien que c'est pas par ces labels que tu peux passer. Donc... Ouais, c'est pas qui de. Oui, je reçois beaucoup de personnes qui m'ont arrivé à la PMR, qui sont venues végétariennes. Par le discours de la PMR qui est aussi. On ne revendique pas le végétarisme, mais quand même, justement, pour les faits qui sont présentés, l'alternative, c'est un peu cohérent. Les vidéos autant que discours. Les vidéos autant que discours, voilà. Mais c'est vrai que le département d'éducation qu'on a vu de la PMF, là, qui a été monté par Dominique, il me semble que logiquement, la portée qu'il va avoir, ça va être d'amener les gens à. Tout à fait, exactement. Ouais, tout à fait. Et pourtant, le mot végétarisme n'est jamais venu pour montrer, je crois que ça ne même pas dans ce sens-là, c'est juste. Vous parlez du cas de PMF, des associés, on dit que clairement il n'y a pas d'approche politique sur la question du végétarisme, sur la question de l'élevage. Et en fait, sur d'autres campagnes, justement avec les œufs en batterie, il y a eu des campagnes de PMF et des associés divers qui étaient explicitement politiques, quand on disait aux gens, écrivez au ministère de l'Agriculture, à la députée, soutenez l'interdiction des cages en batterie, etc. Donc ce qui est quand même un peu bizarre, je vous explique, mais c'est que c'est spécifiquement sur le fait d'arrêter de manger les animaux ou le végétalisme global, que là il y a une position politique et que ça s'évanouit et que ça se réfugie dans une position de consommateur. Parce que pour moi, être consommateur, ça veut dire réagir sur ce que c'est pas interdire aux autres de faire ce qu'ils veulent. Quoi. J'avais dit que le frein, c'est que comme il y a un soutien clair, affiché, reconnu de la population pour interdire les emballages, interdire les images de l'eau en gaz, etc., que du coup on se permet, on dit les autres sont déjà d'accord sur cette question, donc on leur dit de dire ce sur quoi ils sont déjà d'accord, finalement on leur dit vous êtes contre les œufs en batterie, dites-le. Quoi. Donc plutôt de manière politique, quoi, demander au gouvernement, à la Commission européenne, etc., aux députés de passer la loi qui va interdire dans les faits. En disant que ça va être en gros des personnes parce que tout le monde est bien d'accord que ça devrait être interdit. Alors que quand on parle de la viande ou du végétalisme, y compris des œufs de la mer, etc., là, le frein, moi j'ai l'impression, c'est de dire si on politise cette question, c'est qu'on dit qu'on veut l'interdire, ça veut dire qu'on veut l'interdire aux autres, ça veut dire qu'on passe pour des fachos. Et que le frein, il est là. Quoi. C'est-à-dire que quelque part, ces campagnes-là, elles sont caricatures, mais pas tant faites pour faire évoluer l'état d'esprit des gens pour qu'ils deviennent opposés à ces trucs-là. Les campagnes, elles sont faites pour que les gens expriment ce sur quoi ils sont déjà d'accord, mais qu'on les incite à s'exprimer. Quoi. On n'est pas tant à faire évoluer leur opinion sur la question. Enfin, je parle des campagnes politiques, ceux comme la PRL sur le cas de batterie. On a l'impression qu'elles sont plus faites pour dire exprimer que vous êtes contre les cages, vous avez toujours été, c'est pas grâce à nous que vous êtes contre, vous êtes toujours contre les cages, mais exprimez-le. Quoi. Alors que comme on pense que sur la viande ou le végétalisme, les gens sont pas à priori une position opposée à ça, on ne se fait pas la regarde, on veut leur faire. Je veux si j'ai bien. Il y a une chose que j'aimerais bien, c'est la veille paraît très compliqué à avoir, mais un logo sur tous les produits qui sont végétariens, mais un logo végétalien. Bah, ça se fait on achète une margarine, s'il y a de la veine végétarienne, on sait qu'il n'y a pas de sang. S'il y a de la veine végétalien, on sait que c'est moi qui soit des fruits, des légumes, céréales, des chimiques, mais pas de pâté, pas de. Ce sera pratique. Là, on n'est pas dans l'interdiction, on est dans l'information, on est aussi, on favorise aussi pour la consommation de plein de choses. Oui, toi. J'aurais bien aimé que tu précises un peu mieux, Antoine, ce que tu viens de dire. Alors, excuse-moi, Guy, mais moi j'ai du mal à ce qu'on zappe d'un sujet à l'autre. Puis j'aime bien quand quelqu'un apparaît qu'il y a un moment de silence. Parce que moi je suis quelqu'un de très très long. Il faut le temps déjà d'assimiler la pensée de l'autre, tu vois, avant de profiter du moindre coup pour dire que tu dis des trucs super intéressants sur la souci, tu vois. Mais j'ai pas tout compris et je pense que c'est essentiel par rapport à d'autres points, tu vois. Et par rapport à ce que disait Yves avant, il y a une réponse et j'ai pas tout suivi là. Il y a un truc sur l'engagement politique et la notion d'interdit. Et qu'est-ce que tu penses de la position d'ACMAF par rapport à ça? J'ai pas tout suivi. Alors, ça peut être une discussion privée, j'entends bien, mais peut-être ça peut intéresser d'autres gens. Parce que c'est l'implication politique. Ben, je viens dire, clairement ce que je dis, c'est que on dit que Charles Guéret parle de l'approche politique de la question, et c'est ça qu'on critique là. Mais pourtant, sur des campagnes spécifiques comme le veau en stade et les truies en classe, etc., là il y a une approche politique au sens que les gens exprimaient des propositions, demandaient à ce que ce soit interdit, c'est-à-dire que plus personne puisse élever ou manger de la viande dessus. De ces emballages, le foie gras par exemple, c'est aussi, oui, car en interdiction d'un produit, la personne dit on doit interdire la production de foie gras et que les gens pensent que les Français ne peuvent plus en acheter, quoi. Alors que la majorité des Français en achètent et en consomment aujourd'hui. Donc ils ont bien une approche politique sur ces questions-là. Ouais. Qu'est-ce qui fait que sur un certain nombre de pratiques d'élevage, on a des produits comme les cuisses de grenouille, le foie gras, il y a des positions implicites politiques, et qu'on demande aux gens non seulement de cesser en consommer, mais d'exprimer leur soutien et des lois qui les impliquent, qui interdiraient ça, et que quand on passe à la question de la viande, on se réfugie dans une approche consommateur, intérieur, persuadé que les gens vont arrêter, etc. Tu crois pas que c'est un choix pédagogique qui avait été clairement exprimé par. Je sais plus par qui parlait de l'ACMAF, mais. Dominique, oui, c'est ça. On s'en sait, mais on ne pas. J'ai dit par rapport au credo, que de toute façon, générale, que vous n'étiez pas à l'ACMAF, mais l'ACMAF n'était pas contre l'idée de consommer des élus. Ouais, je vois, avec ce que vient de dire en toi, en fait, ça me fait penser que l'ACMAF, en fait, en France, elle n'est pas ouverte vis-à-vis des gens, en fait. Tout le monde est. Enfin, je ne sais plus le pourcentage, mais il y a un gros pourcentage de personnes. Contre les élevages en batterie et tout. Donc le discours de la PMF est confortable par rapport à ça. En fait, j'ai l'impression qu'elle ne se met pas en danger par rapport aux gens. Elle formalise une pensée générale et elle demande juste à ce que les gens expriment ce refus des choses. Moi, je le vois comme un instinct pédagogique, enfin, comme une volonté pédagogique. Toi, tu pensais que ça serait démagogique, alors. Enfin, c'est pas cohérent. Il y a une différence entre la viande et la pratique des cages de batterie. La différence, c'est que la mise en cause des cages de batterie implique beaucoup moins de mise en cause idéologique que la mise en cause de la viande. Tu penses que c'est ça? Pour moi, c'est un truc le foie gras, c'est un peu tête de pont, quoi. C'est sans doute une des campagnes les plus fortes de la PMF en termes idéologiques. Bah, oui et non, parce que quand on parle avec les gens de gavage, ils sont contre aussi. Enfin. Et est-ce que, par exemple, ils demandent au moins le boycott du foie gras parfois ou ce genre de choses? Parce qu'il y a une chose différente que le fond des végétarismes encore. Est-ce qu'ils font des appels au boycott situé? Est-ce que la PMF, oui. La PMF dit explicitement de ne pas consommer le foie gras et de soutenir l'interdiction, de demander à ce que ce soit interdit. Il y a les deux aspects. On va défendre le végétarien en France, qui est une association qui veut d'abord améliorer le bien-être des animaux de ferme. Donc il peut fonctionner que par des choses comme le boycott ou tout comme ça, et la menace du boycott, c'est on arrête de consommer jusqu'à ce que les conditions soient améliorées. Donc tu peux pas dire en même temps arrêter de consommer définitivement. Dans ce cas-là, le marché ne changera pas. Enfin, toi, s'il s'agit d'utiliser cette technique politique-là, je ne vois pas comment. Ouais, ma proposition, elle est pas dénuée de sens, parce que si tu mets un label, ça répond pas à la question, enfin un logo, ben, c'est pas que tu nous arrêtes de consommer, simplement que les consommateurs, ils choisiront eux-mêmes les produits qu'ils font. Non, je crois pas que ce soit en pareil, tu peux dire, il faut interdire toute consommation de produits malades, et en même temps, dire, il faut améliorer les conditions de bien-être, en attendant cette interdiction d'entrer en vigueur. Ouais. Tu vois, c'est une question de. Oui, ça, c'est du boycott. Je pense que c'est bah oui, mais c'est une adaptation à la réalité et en même temps, de se mettre la barre assez haut. C'est les deux, tu veux dire les deux, c'est pas. Politiquement, c'est pas en fait, je pense. Il y a assez de groupes pour que chacun se fasse la bataille. Même politiquement, je propose ce serait. Étrange pour une association qui est protection mondiale des animaux de fer de faire à la fois campagne pour des gens en batterie, pour des poulets en batterie et tout ça, des poulets en industriel, et en même temps dire vous pouvez aussi arrêter de manger des animaux, y compris définitivement, et on peut bien vivre sans viande, et qu'on trouverait que l'idéal, ce serait que la société soit végétarienne. Je ne vois aucune contradiction. Non, c'est possible. Elle a décidé de ôter complètement le problème de tuer l'animal. Et ce parce que le contenu sur le vélo de la souffrance, dans toutes les étapes de la vie, de l'animal, et que la partie mort, elle a sorti complètement de son discours. En conséquence, parce qu'en fait, elle n'a pas parlé de l'animalisme. Parce que ça a rentré dans ce domaine-là, même que tuer les animaux, plus que la vie de la souffrance qui est vraiment difficile. Quand en médecine, il y a les généralistes, il y a les spécialistes. Après, chacun a son domaine. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui marche dans le lobby, c'est la peur de perdre des consommateurs. Donc, le seul but qui pourrait leur faire améliorer les conditions de vie des animaux de fer, c'est la peur de perdre des consommateurs de viande. Si l'association a se met à dire de toute façon de consommer du viande, ils n'auront aucun intérêt à suivre leur avis. De toute façon, ce sera des consommateurs perdus. Le but pour eux, c'est de retrouver des trucs. S'ils disent, vous pouvez aussi arrêter de bouffer de la viande, le producteur il va se dire, oh là là, il y a des gens qui vont devenir complètement végétariens, il y a des gens qui vont boycotter la viande industrielle. Moi, en tant que producteur, il n'a pas une visée à 500 ans à éviter que la société devienne végétarienne dans 500 ans. Oui. Ce qui se dit, c'est l'année prochaine, qu'est-ce qui marchera de mieux? Et bien, il y a une tendance au végétarisme, et puis il y a ceux qui ne vont pas vers le végétarisme, essayons de les rattraper en faisant de la viande qui soit moins dégueulasse pour l'animal. Parler du végétarisme, c'est augmenter la sensibilité générale de la société sur la souffrance des animaux. Parce qu'il y a des étapes, et qu'on fonctionne par étapes, si tu veux, mais est-ce qu'il faut être compressé ? Moi, je pense que la pédagogie est très importante. Oui, et en ce sens-là, la PNAF, je la trouve bien située. Oui. Et elle est aussi bien située que d'autres associations qui sont plus extrémistes, qui vont attaquer l'angle, sous un autre angle, et qui vont s'adresser à d'autres associations et d'autres fonctionnements en conscience. Mais le fonctionnement général de la conscience, c'est la gradation. Mais le fait qu'il y ait des étapes, ne t'attends pas de parler des étapes suivantes. Ah, tout à fait, c'est pas en tout à fait. Oui, c'est pas le débat. Mais pas au même moment où l'espace. Mais là, parce que là, le débat, c'est sur de savoir si la promotion du végétarisme est une bonne ou une mauvaise chose. C'est juste pas critiquer d'approuver la politique de la PNAF, c'est juste de constater qu'il n'y a pas une approche, que ce qui remet en cause. Pour beaucoup de gens ici, le raisonnement de Charles Boutin, c'est l'absence totale de prise en compte de la question politique, comme l'approche politique de cette question. Et en tout cas, on s'interroge pourquoi est-ce que la PNAF a une approche politique sur la question de la guerre. C'est pas grave, parce que d'un autre côté, il y a des chevaux avec les gendarmes, et puis hop, ça fait des chevaux de sauver. En fait, ouais, soit chacun, on ne peut pas tout faire. Chacun, on peut se spécialiser. On peut avoir des choses en commun et on peut avoir des groupes qui sont plus spécialisés dans tel ou tel. La PMF fait des trucs très bien, mais si tu peux dire que la PMF c'est méchant, je connais même des gens gentils qui font partie de la PMF. C'est pas. On ne pense pas de pouvoir taper sur la PMF. Bruno, on n'a toujours pas compris, Antoine, qu'est-ce que tu entends par politique pour... Ouais. le cadre politique uniquement. Et ben c'est l'idée en tant que société, collectivement, de discuter, de faire des choix collectifs, quoi. C'est-à-dire des choix politiques, des choix qui sont discutés plus ou moins démocratiquement suivant les pays, les endroits, etc. Mais qui sont discutés collectivement pour prendre des décisions sur la manière dont notre société va fonctionner, va évoluer. Et donc on débat d'idées, on dit est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, pour une situation, faire ci, faire ça. Donc à un moment donné, dès que la société fonctionne aujourd'hui, c'est traduit par des lois en bout de chaîne, mais c'est presque un détail. Là, c'est une question d'opinion publique qui évolue, donc de débat public, c'est-à-dire qu'on en discute. Mais on ne discute pas dans le sens de dire qu'on est sur une table, à l'Assemblée nationale, ou dans les débats. C'est pas qu'on discute de savoir si machin ou machin, il mange de la viande, ou il doit arrêter de manger de la viande, c'est de savoir si collectivement, comme société, on accepte ou pas telle et telle pratique. Est-ce qu'on accepte ou pas la discrimination raciste? Est-ce qu'on accepte ou pas l'esclavage des humains? Est-ce qu'on accepte ou pas la pollution des rivières par tel ou tel produit, hein? Et on décide collectivement de l'interdire parce qu'on pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour la société, par rapport aux êtres sensibles, etc. Mais avant le temps de l'interdiction, il y a bien des sensibilisation et tout discours qui toucherait le conduit. À la valeur symbolique de la viande, la viande devient tout d'un coup animale. C'est pas la viande. C'est n'est pas profitable au fond. J'ai pas entendu dire que la viande devient. La viande, tout d'un coup, devient dans la conscience des gens un animal. C'est ce que disait, je crois, la valeur symbolique de la viande. Donc tout discours qui est. Qui te fait comprendre que c'est pas un produit que tu manges, enfin c'est un animal. Donc tout discours, parce que l'interdiction c'est bien un grand mot. Hein. Tu peux pas interdire, pour qu'une interdiction puisse passer, il faut que déjà l'esprit des gens soit sensibilisé sur le sujet. Que ce soit interdit, que ce soit dit. Il faut qu'il y ait un débat, il demande un débat. On débat si c'est normal ou pas de tuer les animaux qui sont mieux mangés, les élever comme ils sont mieux aujourd'hui. C'est un débat pour moi. Et la sensibilisation, elle vient du débat. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de débat, les gens vont être sensibilisés. La sensibilisation, c'est-à-dire que les gens réfléchissent à ce que ça veut dire, ce que ça implique, ce que ça coûte la viande, qu'est-ce que la question de savoir si c'est légitime ou pas, ça demande qu'il y ait eu un débat avant. Quoi. Or, pour la quasi-totalité des gens qui mangent de la viande, il n'y a jamais eu de débat. Quoi. Ils ont toujours servi la viande depuis qu'on est né, c'est toujours faire partie. Il n'y a jamais eu de débat public sur la légitimité. Il y a un petit débat public sur le foie gras, c'est-à-dire si c'est légitime ou pas. Il y a un débat public sur la cage de papier. Sur la viande elle-même, il n'y a pas de débat public. Et donc, un débat public, c'est-à-dire qu'on présente des arguments, on en discute, on considère que ça fait question et que collectivement on doit décider si on continue ça ou pas, même si au départ les gens qui pensent qu'il faut l'arrêter. Oui, mais même pour les bactéries, le foie gras, quoi que ce soit, à partir du moment où tu te rends compte que le foie gras n'est pas une boîte que tu trouves, qui se trouve comme ça dans la nature, déjà tu vois l'animal derrière. Tout ça, ça c'est pas oui. Ça pousse pas les briques de lait. C'est à partir du moment où tu comprends ça qu'il y a déjà le nom. Oui, mais là où je crois qu'il a raison, en fait, c'est de dire que de poser la résolution pour l'abolition de la viande en termes d'interdiction, en termes de décision politique, c'est effectivement c'est fort comme message. Parce que oui, ça oblige le débat et ça oblige à faire ce que toi tu dis, à prendre conscience que oui, d'accord, à revoir, quoi, mais. Ouais, c'est même comment on dit, c'est planter une petite graine et après on l'arrose par le débat. Et cette graine qu'on veut planter par l'abolition, par une résolution d'interdiction, c'est quelque chose qui va choquer, qui choque les consciences. Oui, mais oui. Parfois, quand ça choque trop, il y a des réactions symboliques. Absolument, c'est pour ça qu'il faut penser en amont à quel endroit on va planter la graine. Il faut d'abord travailler la terre, etc. Moi je ne vois pas vraiment comme le fait de choquer. Enfin, moi c'est que je suis incohérent aujourd'hui. Si moi je suis à table, je ne mange pas les animaux, je me demande pourquoi, parce que je dis c'est horrible ce qu'on leur fait pour faire de la viande, et à côté il y a ceux qui mangent de la viande, et puis que je lui dis mais si tu peux continuer à en manger, et que je lui dis rien, je veux dire c'est complètement hypocrite, c'est faux, c'est très bien, c'est faux, c'est pour ça qu'il y a un malaise à table. Quoi. C'est très bien que si je pense que c'est moche de lui faire ce qu'on fait quand c'est pour moi, c'est pareil que si ça tombe dans une assiette à côté, je veux dire c'est pas l'assiette dans laquelle ça tombe, je pas donc c'est hypocrite. Pour moi, même, c'est quelque part un peu libérateur de dire, mais tu penses que ça devrait être interdit. Enfin, tu as la question vient des autres, elle vient naturellement. Tu trouves que c'est horrible, tu penses que ça devrait être interdit. Bah, évidemment que je pense que ça devrait être interdit. Moi, je mange pas, je le boycotte parce que je trouve que c'est trop moche. Donc, c'est même, enfin, je veux dire, le fait de pas le dire aujourd'hui, il reste comme une charge de plomb, une hypocrisie. C'est de la même manière pour moi qu'avant, on n'osait pas dire qu'on était végétarien pour les animaux. Je suis végétarien pour ma santé. En fait, on picote, les autres savent très bien que c'est faux. Enfin, c'est hypocrite, c'est, on se moque des gens. Voilà. Arrêtons de moquer des gens, ils ont des choses telles qu'elles sont, on a des arguments pour ça, et les gens sont prêts à discuter de si c'est légitime de tuer un animal pour manger, de réfléchir à ça. Et en plus, on offre une part sortie. C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un qui arrête de plus de la viande, alors en plus, mange pas celui qui est déjà dans ton assiette pour qu'elle commence à s'habituer, même change tes habitudes. Enfin, je veux dire, on sait tous que c'est pas évident de devenir végétarien, c'est plus ou moins évident suivant les personnes, mais c'est, donc, c'est aussi une façon de dire, mais t'as une possibilité, si toi aussi tu trouves qu'il y a des problèmes en mode élevage, en fait, tu es animaux. Il y a aussi une façon de, que tu peux agir là-dessus sans même devenir végétarien si tu penses que tu ne peux pas, mais c'est de soutenir le fait que ça devrait être interdit, qu'il y a un problème avec ça, de le dire. Enfin, c'est aussi, en fait, quand on dit c'est extrémiste et que c'est encore plus agressif, mais non, que de leur demander que j'ai un végétarien, je ne suis pas d'accord. C'est beaucoup moins agressif à quelqu'un de lui dire c'était d'accord que c'est moche, de dire toi aussi à ton tour aux autres que tu trouves que c'est moche, de penser qu'il y a des trucs qui peuvent être interdits, que de dire changer son comportement. C'est vachement plus dur de changer son comportement. Oui, je sais que c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire tel truc est moche, mais je tiens à ce qu'on puisse continuer à manger de la viande. Ils vont pas dire comme ça, mais ils vont dire oui, c'est vrai, je suis contre la souffrance, les élevages industriels, mais je suis pour qu'on continue à manger de la viande, pas d'animal qu'on a tué en regardant dans les yeux. C'est le discours que j'entends le plus souvent. J'ai l'impression qu'on voit la liberté. C'est-à-dire que la plupart des gens ne sont pas prêts à une idée d'interdiction de la viande, mais par contre, avant cet argument-là, en disant oui, c'est quand même. Les tuer, oui, mais les faire souffrir, non. Voilà. Souvent, mais bon. Là, on n'est pas fait interdire, on en est à provoquer un débat public sur le fait de savoir si c'est légitime ou pas. On est là. Quand même, les gens commencent à discuter, on a gagné, on a avancé d'un point. Là, on est en train de parler de la campagne. Non, mais c'est bien. Oui, sur la campagne, comment on parle de la campagne, là, tout le monde. On en parle sur cette histoire de campagne. De nouveau, sur une pause, on peut passer une pause. Ou alors tu conclus et en même temps tu annonces le sujet prochain. Mais en fait, pas conclure. C'est vrai que moi je ne suis pas convaincu du tout par les parlements de Charles. Par contre, c'est clair que pour moi c'est clair qu'il faut mettre l'accent sur les gens. Aussi pour notre raison, enfin je ne sais pas exactement. Moi j'ai toujours été juste dans l'histoire du végétarisme, une histoire de... qui passe par la bouche, mais enfin. Là, ça ne change pas avec les gens d'Afrique. Non, je ne saurais pas qu'il connaisse ce que je. Sinon, il y a une campagne aussi que j'ai pensée, c'est l'abolition de la mange petit d'animaux. Et on a hâte de manger des veaux, on a hâte de manger des agneaux. Pourquoi plus, là, pourquoi moins, pourquoi autant, non, mais c'est vrai, c'est une idée quand même pas là, on ne réagit pas, c'est une idée de montagne. Les viandes qu'on mange, c'est des coups de limon. c'est vrai que si tu as mettre de l'énergie dans une campagne, je ne suis pas sûr que ça fasse une grosse différence. Comment je peux faire mettre de l'énergie dans une campagne globale? Je ne suis pas sûr que le thème petit d'animaux va en soi faire une grosse différence. Non, peut-être pas une grosse, mais bon, c'est toujours une idée de plus, hein, c'est une vanne de plus dans la forêt. Oui, ça, tout à fait. Peut-être pas pour tout le monde la pause une demi-heure, ceux qui veulent reprendre sur les pages de la campagne pour le film de la viande. Vous avez fait une présentation comme ça, vous avez fait une présentation. Oui. Et puis les autres reprennent dans une heure. C'est ça que vous propose? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Une pause totale d'une demi-heure, on vient tous pour une heure avant le repas. Oui, mais là, l'intérêt, c'est que les gens qui n'étaient pas là mardi dernier, du coup, voient un peu ce qui a été discuté mardi dernier. D'après, dans un quart d'heure. Mais qui est-ce qui... sera intéressé à avoir une nouvelle, enfin une mobilisation de la question de la mission de la violence. Et est-ce que ces personnes-là veulent une pause? Voilà. Une pause pipi, quoi. Une pause cigarette, et puis voilà, on va vous monter, et puis on tout ce petit comité-là. Et puis on repart. Après, quand on sort, on a un peu de produits supplémentaires.